parlé des élites de Ville-Saguenay, les élites de Ville-Saguenay qui vont entamer leur saison régulière très, très prochainement. Ça me semble qu'il y a du positif chez les élites. On va en parler avec l'instructeur-chef Steve Thériault. Salut, Steve! Oui, ça va oui, bien, Steve. Est-ce que je me trompe? C'est sûr, je compte pas d'histoire. Je suis pas un grand... Je suis pas beaucoup les élites. Par contre, ce que j'ai lu, c'est qu'il y a du positif cette année, puis on annonce vraiment de belles choses. Bien, premièrement, là, on va mettre un terme au camp d'entraînement. La saison régulière va débuter là, vendredi soir là, contre Charlemagne, à Charlemagne. Puis, à date, ce qu'on peut dire, ce qu'on peut conclure, là, surtout la dernière semaine du camp, lorsque l'équipe là, okay. est pas en forme, là, c'est que on a vraiment là, un bon groupe de jeunes. Puis, je pense qu'il y a une belle atmosphère dans l'équipe. Là, une belle, les jeunes ont une bonne attitude, sont réceptifs, puis on peut dire qu'on a 20 joueurs de hockey là, qui ont soif d'apprendre, puis soif de performer okay. cette année. C'est de bonheur, commencer une saison quand il fait 32 degrés dehors, là, ou 29, c'est assez spécial pareil, mais c'est bien correct. Mais parlons maintenant de la force des élites cette année, ça va se situer à quel niveau? Ben, je dirais que premièrement là, on dit là, si on écoute Marc Bergevin, dit tout le temps là, qu'il y a une équipe là, ouais. ça se voit tout le temps en arrière. Puis je pense que cette année, c'est un petit peu ça qui ressort là, de l'alignement là, qu'on a, c'est qu'on a, on peut faire confiance là en deux très bons gardiens là, Simon Boudreau-Belleville qui était avec nous l'an passé là, à partir des fêtes, un petit peu avant les fêtes. Il est venu cette année, okay. comme 17 ans. Puis, on a le jeune, là, Olivier Rodrigue, là, un jeune de 15 ans, là, qui fait très, très bien là, jusqu'à maintenant aussi. Défensivement, deux défenseurs. On a Jérôme Gravel, ouais. là, qui Chambon. Vient de par chez vous, de votre coin, je pense. Là. Jérôme est de retour, là, temps passé. Après ça, un 16 ans aussi là, de Côte-Nord, là, de Bécomo, plus spécifiquement, là, qui est Vincent Mignot. Puis le reste de la défensive, là, les quatre autres défenseurs, c'est quatre jeunes de 15 ans. Mais beaucoup de potentiel, beaucoup de talent, puis beaucoup de belle habilité là, avec la rondelle, là, puis aussi une bonne mobilité là, qui nous donne qui va aider à notre attaque, la faire progresser notre attaque en zone adverse là, plus facilement qu'en okay. passé. Là, en attaque, moi j'ai fait le tour de le boom Sassini et du secteur qui mm-hmm. des joueurs qui ont fait des camps d'entraînement juniors. Mais qui n'ont pas fait l'équipe, donc les élites vont hériter cette année. Et Jérémy Fortin, je faisais une entrevue avec Jérémy, puis Jérémy me disait « Je veux être le leader de l'équipe cette année. » Jean-Simon Bélanger également, que j'ai pas été capable de rejoindre également, lui aussi était retranché. Yannick Jean me disait hier qu'il doit prendre encore plus d'expérience un peu. Mais c'est ces deux joueurs du secteur là, qui ont un bon potentiel offensif. Là. Oui, exactement. Jérémy, puis Jean-Simon, c'est... Ah, je savais pas ça. En plus, okay. là, si je me trompe pas. Ouais. Puis, les deux arrivent d'un camp junior, comme tu me dis. Puis, c'est sûr, là, qu'en étant de retour, là, pour une deuxième saison avec les élites, on s'attend aussi à ce qu'il y ait beaucoup de leadership de leur part. Puis, plus de responsabilités, là, que l'an passé, là, en termes de mission sur la glace, là. Oui, offensivement, mais aussi, là, quand tu as des habiletés offensives, tout ça, quand c'était ta première année, on va utiliser tes forces peut-être un peu plus, mais cette année, là, c'est justement là, de parfaire leur bagage, là, justement, de joueurs de hockey, puis les responsabiliser là, autant défensivement là, qu'offensivement, là, peut-être là, de là où les entraîneurs juniors, là, en renvoyant leurs joueurs, là, espèrent voir là, de eux, là, c'est justement là, de devenir. Là, des joueurs un peu plus complets là, pour pouvoir s'aligner avec okay. eux. Parlons maintenant de ce que tu aimerais travailler. C'est-tu quelque chose que du côté de l'équipe qui va falloir travailler pour améliorer, pour avoir une meilleure fiche encore? Ben, tu sais, je te dirais, c'est pas mal tout le temps la même chose à chaque année, là, sauf que en tant qu'entraîneur, faut que tu partes avec le comment je peux dire, faut que tu sois capable de faire un genre de plan en fonction de l'équipe que tu as, des jeunes que tu alignes dans ton alignement présentement. Puis tu sais, cette année, contrairement à l'an passé, ben je crois que tantôt quand je vous disais que à partir des défenseurs, plus de mobilité, plus de vision offensive, ces choses-là. Mais une chose qui va être à travailler fort et à améliorer tout au long de la saison, ça va être justement les transitions. Là. C'est le hockey, c'est un jeu de transition, autrement dit. Souvent dans un match ou dans une même présence, tu vas passer de l'offensive à la défensive ou de la défensive à l'offensive. Au niveau de la transition, de passer de la défensive à l'attaque, avec les défenseurs qu'on a, c'est quelque chose là, qu'il va falloir utiliser le plus possible. Là, puis que ça devienne une force, justement, là, servir de notre vitesse, servir là, du bon hockey sense, des défenseurs et des attaquants, justement, pour essayer de contrer là, la défensive adverse en les surprenant, en réagissant rapidement là, pour pouvoir créer des surnombres puis donner des bonnes chances de marquer en étant dangereux. Là, OK. Jérôme Gravel, tu en as parlé tantôt, j'ai fait une entrevue avec, c'est un gros défenseur, gros physique. C'est vraiment un défenseur défensif. Mmh. C'est pas un défenseur qui va travailler dans les deux sens. Hein. C'est vraiment là, un genre d'Argyle, tiens. C'est ça? Ben, tu sais, pas tant Argyll, je dirais, là, parce que Jérôme, il est en mesure de jouer là, dans les deux sens de la patinoire, oui, mais c'est pas un corps arrière, là. Non, qui pas du souvent, tout. Là, où ce que va l'aider un power play, là, ces choses-là. Sauf par contre, Jérôme, il a quand même un excellent lancé. La vélocité de ses passes et de ses lancés sont de calibre junior majeur, je dirais, là. Puis, qui a travaillé, c'est au niveau de la précision des passes, même la précision de son tir, bien placer son tir là, sur le filet, ces choses-là. C'est ce qui fait que présentement, on peut dire que c'est pas nécessairement un défenseur offensif. C'est sûr que c'est sa force. Jérôme, c'est un joueur qui est physique, c'est un joueur qui joue gros. Il est gros, mais il joue, est en mesure de jouer gros. Puis, il est à son meilleur quand il rentre dans la bulle là, de ses adversaires. Puis, il est en mesure de les déranger. Pour nous, cette année, c'est sûr et certain que ça va être notre leader là, au niveau là, de l'aspect défensif là, du match. On peut pas dire que Jérôme, c'est pas un joueur qui est en mesure de créer de l'offensive. C'est juste qu'il doit continuer à travailler là-dessus puis à l'améliorer. Là. Mais les atouts sont là. C'est juste de travailler, là, comme je disais, là, sur Je veux te parler de Dylan, un joueur, je ne sais pas si tu le connais, parce que vous avez un programme quand même, Midget Espoir, c'est quand même relié un petit peu midget aux élites. Là. Dylan, ici, un défenseur qui vient d'ici, qui a fait l'équipe Midget. Est-ce qu'il y a une chance un jour de le voir avec les élites? Ben, Dylan, de ce que j'ai vu l'an passé dans le Bantam, j'ai suivi un peu là, durant les entraînements avec le Midget Espoir ici, là. Les dernières semaines, puis de ce que j'ai vu là en partie hors concours, il y a à peu près une semaine ou deux, là, c'est que c'est un défenseur qui est c'est pas le plus gros, sauf qu'il est quand même solide là physiquement. Il est très très bon avec la rondelle, une bonne vision de jeu, un bon flair offensif aussi, un bon lancer. Je pense que tu sais au niveau là des au niveau de la force là physique là présentement, je pense que ça va bien. Puis il y a beaucoup d'habileté là pour qu'on veut voir chez un défenseur. Ça va être de voir là. C'est pas nécessairement le plus grand, Dylan. Ça va être de voir l'an prochain là, en cas d'entraînement si ça s'avérera pas un handicap. Mais je croirais pas que ce soit. Je pense que ça devrait bien aller parce que il y a une bonne tête de hockey, puis il y a quand même aussi des bons pieds, là, tu sais, quand même rapide là, à se déplacer, ces choses-là. Des fois, ça vient combler là, le manque là, de OK. Québec. Dernier point, je veux te parler. On a vu les structures intégrées du hockey espoir dans la région. Ça fait quand même, je pense, ça fait 5, 6, 7 ans que c'est devenu là, du 2A. Je me rappelle bien, les élites, vous avez même une structure des U13, des U14. Tout ça, là, ça commence à payer. Si vous pensez avoir une bonne équipe, là, c'est qu'à quelque part, puis les espoirs sont quand même assez élevés des élites cette année. Donc, tout ça, tous ces programmes-là instaurés dans la région, ça commence à payer. Ben, c'est sûr et certain que, ces programmes enrichis-là, le 13, le 14, là, même je pense que c'est des 12, là, maintenant, à ce temps, là. à partir du moment que, comment je peux dire, à partir du moment qu'on parle le même langage, là, les mêmes enseignements avec ces jeunes-là, du 12, du 13, du 14, quand ces joueurs-là arrivent au Midget d'espoir, au Midget 3, ils ont été développés là, en fonction dans une continuité, dans le fond, que nous, on recherche, hein, c'est sûr et certain que ça facilite, là, tu sais, on s'en rend compte, là, les joueurs qui sont ici en ce moment, là, tu sais, c'est tous des gars qu'on a vu 13 ou 14 à un moment donné, puis il y a plein de choses, là, plein d'aspects, là, qu'on peut avancer rapidement, étant donné qu'ils ont déjà le bagage que nous, on recherchait. Par contre, là, que ça commence à payer, oui, mais ça commence à payer aussi pour les 14 ouais. autres structures intégrées, là, les 14 autres équipes Midget 3 qui sont dans le même, c'est des programmes Hockey Québec que les 15 structures sont obligées de suivre. Mais ça commence à payer un petit peu partout parce que le Midget 3 est devenu un calibre là, quand même assez relevé là, parce que d'excellents joueurs de hockey sont formés. Puis dans le fond, pour nous, notre structure, notre région, c'est de toujours se continuer à se responsabiliser là, le plus possible à l'intérieur de notre structure pour que on puisse aligner là, le plus d'éléments locaux là, si on veut là, le plus possible. Puis d'aligner les joueurs de Saguenay, du Lac ou de la Côte-Nord le plus possible, puis qu'on vienne avoir de moins en moins là, de joueurs de l'extérieur, parce que présentement, on a encore besoin de joueurs de l'extérieur pour compléter nos alignements, pour pouvoir là, compétitionner là, d'une façon là, quotidienne, si on peut dire, là, dans la ligne de 3A, mais c'est de continuer à travailler fort, continuer à amener des idées, continuer, comme je disais, à se responsabiliser, puis qui va faire qu'à un moment donné, ben, on va arriver à ce but-là. Puis, c'est sûr que ces programmes-là, ça aide énormément là, à un coach Midget 3A pour quand on décolle la saison, les gars ont déjà un bon bagage là, d'acquis. Là. Fait que ça, c'est vraiment. Ben, Steve Tarou, il ne me reste plus qu'à te souhaiter bonne chance. On s'en reparle durant l'année pour voir un peu l'évolution des élites et voir également parler un peu de nos joueurs d'ici, là, Jérémy Fortin, Jérôme Gravel et Jean-Simon Bélanger. Non, Steve Tarou, l'instructeur-chef des élites de Jonquière.